Si j'étais un animal, je serais un pivert, car sans elle, je ne peux rien faire. Si j'étais un animal, je serais un oiseau, car sans elle, je me sens moins beau. Je pourrais être un avion, mais y aurait tout l'équipage. Or je n'ai que vous et vous seul sous mon plumage. Je pourrais être un magazine avec elle en première page, mais aucune de ces gamines n'a votre ramage. Parole de pivert, c'est vous que je préfère, vous m'avez déplumé. Parole de pivert, que diriez-vous d'un verre? Entrez dans mon tronc, entrez. Si j'étais un animal, je serais un pivert. Avec un arbre pour portefeuille, je serais milliardaire. Si j'étais un animal, je serais un oiseau. Je tiendrais le fromage fort pour être le plus beau. Je pourrais être un satellite, mes deux ailes tournées vers la terre. Mais pour vous prendre à mes côtés, ça fait trop cher. Je pourrais être un parapente à deux places et sans moteur. Mais un parapente dans un arbre, que ça fait amateur. Je me suis fait pivert pour vous, ma très chère. Laissez-moi vous déplumer. Moi pivert, pour vous plaire, j'ai déjà mon long bec. Je veux vous aimer dans cet être. Je suis suspendu en l'air. Si vous m'aimez comme tel, l'amour me donnera des ailes.